Bonjour mes frères et sœurs, et nous sommes en ce mardi, nous allons continuer à étudier le chapitre 14 qui nous prépare à la mort de Jésus, qui nous explique comment cet homme si populaire et si bon a finalement été crucifié comme un criminel. Notre bon Père du ciel, merci de ce texte qui nous explique les raisons. Les raisons de Dieu de la mort de Jésus et les raisons des hommes de la mort de Jésus. Parce que leurs raisons étaient bien différentes les uns de l'autre. Donc guide-nous par ton Esprit Saint encore ce matin afin qu'on puisse voir dans ce texte les vérités que tu veux nous dire et nous parler. Amen. On a vu hier qu'on veut faire mourir Jésus. On a vu que les chefs religieux, les pharisiens, les sadducéens, les scribes veulent faire mourir Jésus, mais de façon rusée, cachée de la foule. On a vu que Judas, à cause qu'il est déçu de ce que Jésus fait, de ce que Jésus dit, déçu du fait que Jésus ne cesse pas de répéter qu'il va mourir, qu'il va mourir, qu'il va mourir, qu'il est déçu et il va voir les chefs religieux de Jérusalem, et il leur offre de leur livrer Jésus. Et le texte que nous allons voir ce matin va nous expliquer les raisons. Les raisons, pourquoi c'est arrivé là? Nous savons pourquoi les chefs religieux veulent faire mourir Jésus. On sait qu'ils sont jaloux et on sait qu'ils sont en colère. On a vu, comme j'expliquais un petit peu hier, on a vu qu'à partir du chapitre 3 de Marc, ils sont déjà en train de vouloir le faire mourir, le faire périr. Et ça monte, ça monte, ça monte. Et le fait que Jésus a chassé les vendeurs du temple et les acheteurs du temple et qu'il les a déclarés publiquement devant tout le monde, « Vous avez fait de la maison de mon père une maison de prière, vous en avez fait une caverne de voleurs. » Vous êtes des hypocrites. Vous utilisez la maison de Dieu pour vos fins, pour votre convoitise et votre avarice. On sait ça. On sait pourquoi Judas veut que Jésus meure. Il est déçu. Lui aussi est en colère et il est déçu de ce que Jésus fait. Lui, on a vu qu'il a embarqué pour le royaume du côté plutôt politique et économique. On sait que Judas était un voleur. Il mettait la main dans la bourse et il volait ce qu'on y mettait. Donc, hier étant bourgeois vert, si vous me permettez l'expression québécoise, il était un bourgeois vert contre cette femme qui a gaspillé 300 deniers, parce que s'il avait donné cet argent-là et mis dans la bourse, bien, il en aurait pris une partie pour ses propres fins. Donc, lui aurait voulu que Jésus installe un royaume économique et politique, parce que il espérait continuer à faire ses manigances économiques dans le royaume que Jésus aurait installé. On sait pourquoi ils veulent la mort de Jésus. Mais le texte qu'on va voir aujourd'hui, lui, va surtout nous expliquer pourquoi Jésus, lui, accepte cette mort-là de la part des hommes. Lisons à partir du verset 12 jusqu'au verset 25. Le premier jour des pains sans levain, où l'on immolait la Pâque, les disciples de Jésus lui dirent, « Où veux-tu que nous allions te préparer la Pâque? » Et il envoya deux de ses disciples et leur dit, « Allez à la ville, vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau, suivez-le. Où qu'il entre, dites au maître de la maison, le maître dit, « Où est le lieu où je mangerai la Pâque avec mes disciples? » Et il vous montrera une grande chambre haute, meublée et toute prête. C'est là que vous nous préparerez la Pâque. Les disciples partirent, arrivèrent à la ville et trouvèrent les choses comme il leur avait dit, et ils préparèrent la Pâque. Le soir étant venu, il arriva avec les 12. Pendant qu'il était à table et qu'il mangeait, Jésus dit, « Je vous le dis en vérité, l'un de vous qui mange avec moi me livrera. » et commencèrent à s'attrister et à lui dire, l'un après l'autre, « Est-ce moi? » Il leur répondit, « C'est l'un des 12 qui met avec moi la main dans le plat. Le Fils de l'homme s'en va selon qu'il est écrit de lui. Mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. Mieux vaudrait pour cet homme qu'il ne soit pas né. » Pendant qu'ils mangeaient, Jésus prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit, et le leur donna, en disant, « Prenez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe, et après avoir rendu grâce, il la leur donna, et ils en burent tous. Il leur dit, « Ceci est mon sang, le sang de l'Alliance, qui est répandu pour beaucoup. Je vous le dis en vérité, je ne boirai plus jamais du fruit de la vigne, jusqu'au jour où je le boirai nouveau dans le royaume de Dieu. » Nous sommes le jeudi avant la mort de Jésus, le lendemain, 3 heures, jour de Pâques. Je le répète, Jésus est mort le jour de Pâques. Il n'est pas ressuscité le jour de Pâques. Il est mort le jour de Pâques. Il est ressuscité 3 jours après. Mais il devait préparer la Pâque. Si Jésus vous enverrait, vous, François et allez préparer la Pâque, on serait un peu embêté. Qu'est-ce qu'on a besoin? Comment on prépare ça, la Pâque? Et je vous encourage, pour ceux d'entre vous qui avez des dictionnaires bibliques, des encyclopédies bibliques, qui avez accès à Internet, allez voir, ou allez voir dans la Bible, dans Exode, comment on préparait la Pâque et les instructions que Dieu avait données à Israël pour célébrer la Pâque. Mais c'était le soir de la Pâque. Et à la Pâque, on se souvenait qu'un jour, pendant qu'il était esclave en Égypte, Dieu avait dit à travers Moïse que les premiers-nés de toutes les familles étaient pour mourir par un ange qui était pour passer à travers l'Égypte et faire mourir les premiers-nés de chaque famille. Et si on voulait éviter que notre premier-né meure, on devait sacrifier un agneau, prendre le sang et n'en répandre sur le cadre des portes de la maison, ou de la porte de la maison. Et quand l'ange de la mort était pour passer, et qu'il voyait du sang sur le linteau des portes, ou sur le cadre de la porte, il savait que les gens qui étaient à l'intérieur avaient cru à l'avertissement, avaient mis leur foi dans ce que Moïse avait dit, de la part de Dieu, et ils passaient par-dessus la maison sans que le premier-né meure. Mais ceux qui n'avaient pas de sang mouraient. Donc, il se souvenait de ce moment-là, où ce que Dieu avait sauvé tous les premiers-nés du peuple d'Israël à cause du sang répandu. Et on célébrait ça avec des fines herbes, avec du vin, et toutes sortes de choses. On célébrait cette fête du fait qu'on avait évité la mort aux premiers-nés de l'Égypte. Et que c'était Dieu qui avait puni l'Égypte parce qu'il ne les laissait pas partir adorer Dieu dans le désert. C'est la raison de célébrer la Pâque. Et on voit que Jésus envoie 2 disciples, des disciples qui ne sont pas parmi les 12, 2 disciples à part ça, parce qu'au verset 17, il dit « Il arriva avec les 12 ». Donc, c'était d'autres disciples qui avaient été préparés ce repas pascal pour Jésus avec les 12 et les autres disciples qui étaient là. Donc, on sait qu'il était plus que 12. Pendant qu'il était en train de manger, Jésus fait une déclaration fulgurante, époustouflante, ébranlante, si je peux dire de même, devant tout le monde, devant tous les gens autour de la table. Il dit, « L'un de vous va me livrer. » Et le mot « livrer », ne soyons pas sous-entendus. « Livrer », c'est « livrer à la mort. »« Va me livrer, afin que je sois arrêté et qu'on me fasse mourir. » Ils commencèrent à s'attrister et à lui dire. Je ne sais pas s'ils sont venus à s'attrister pour Jésus ou pour eux autres. Mais ils dirent, au verset 19, « Est-ce moi? » Chacun leur tour, ils dirent, « Est-ce moi, Seigneur? Est-ce moi, Seigneur? Est-ce moi, Seigneur? » Et Jésus va l'imiter en disant au verset 20, « C'est l'un des 12. » C'est l'un des 12. « C'est l'un de ceux qui mangent avec moi dans le plat. » On sait plus bas que c'est Judas. On savait déjà plus haut que c'est Judas qui voulait le livrer. Et on le sait depuis le verset chapitre 3 que c'est Judas qui va le livrer. Mais les autres disciples ne le savent pas. Judas le sait. Mais je crois qu'il a fait comme les autres. Lui, tout a demandé, est-ce moi, Seigneur? Parce qu'ils l'ont tout demandé. Mais Jésus dit, il est écrit, il faut que je meure. Il faut que ça l'arrive ainsi. Il faut que même celui qui me livre soit un des miens, un de mes intimes, un de mes disciples. Il dit, là, il avait été écrit que je devais mourir. Mais il dit, malheur à celui qui va me livrer. Il serait mieux de ne pas être né. Et moi, je pourrais vous dire aussi que malheur à ceux qui vont accepter que Jésus leur soit livré, que tous les chefs religieux qui veulent aussi sa mort. Eux autres aussi auraient été mieux de ne pas naître. Moi, je vous dis bien franchement, toute personne qui va être condamnée au jugement dernier, il aurait été mieux de ne pas naître. Tous ceux qui vont rejeter Jésus, qui vont le refuser comme roi, qui vont refuser son royaume, il serait mieux de ne pas être né. Mais ici, il parle spécifiquement de Judas. Il vaudrait mieux pour cet homme qu'il ne soit pas né. Et là, il dit du verset 22 jusqu'au verset 25, il va expliquer. On a vu la raison des chefs religieux. On a vu la raison de Judas. Mais la raison de Jésus, pourquoi est-ce que Jésus continue à marcher vers Jérusalem depuis plusieurs chapitres qu'il leur dit qu'il va mourir, qu'il va mourir, qu'il va mourir, qu'il va mourir? Il leur dit qu'il va souffrir, qu'ils vont le frapper, qu'ils vont le cracher dessus lui, qu'ils vont le fouetter. Il a dit à la femme, puis aux disciples hier, elle a embaumé mon corps pour la sépulture. Il sait ça. Il sait même que c'est écrit. Il dit, le Fils de l'homme, il s'en va selon ce qui est écrit. Il sait, lui, qu'il est l'accomplissement des prophéties de l'Ancien Testament, que c'est lui le Messie. Et là, il tentait de leur dire, « Hey, je n'ai pas manqué mon coup, là. Ça avait été écrit comme ça. Ça avait été prophétisé comme ça. Le Messie devait mourir. Il devait mourir. Vous devez accepter que le Messie devait mourir. C'était le plan de Dieu que je meure. De cette façon-là. Pourquoi? Verset 22 à 25 nous explique pourquoi. Parce qu'il sait, lui, que l'agneau pascal qui est représenté sur la table, là, de la délivrance de Dieu, de l'alliance de Dieu pour le peuple d'Israël dans l'Ancien Testament. Maintenant, la Pâque va être célébrée, puis on va se souvenir de lui, et non pas de l'agneau pascal de l'Ancienne Alliance. Il dit, mon corps va être livré à la mort. Puis là, il prend du pain, il le sépare, puis il en donne une partie à chacun de ceux qui sont là. Il dit, ceci, c'est mon corps. Et là, il prend la coupe. Il a fait boire à tout le monde. Il dit, ceci, c'est mon sang, le sang de l'Alliance. Comme le sang répandu à la Pâque de l'Ancien Testament, avec le sang sur le linteau des portes, il y avait une entente, là. Que ceux qui mettaient le sang de l'agneau sur leur porte ne subissaient pas la mort de l'ange, qui était le châtiment de Dieu sur ceux qui n'avaient pas foi dans ce qu'il avait dit. Maintenant, il dit, à partir de maintenant, le repas pascal que vous allez prendre, c'est pour vous souvenir de moi, que mon corps a été livré à la mort, que mon sang a été versé pour la nouvelle alliance qui avait été prophétisée dans l'Ancien Testament. Dieu avait dit par Jérémie et par Isaïe et par d'autres prophètes qu'il y aurait une nouvelle alliance. Mais il dit, mon corps doit être brisé, meurtri, doit subir la mort, mon sang doit être répandu, pour que la nouvelle alliance soit mise en place. Et ceci, au verset 25, va emmener le royaume de Dieu. Ceci va rendre possible la mise en place du royaume de Dieu. Donc, il est encore en train de leur dire la même vérité que dès les premiers versets de l'évangile de Marc. Le royaume de Dieu approche. Il est en train de dire à ses disciples, à tous ceux qui lisent l'Évangile de Marc, « Je sais que ce n'est pas ça que vous pensiez. Ce n'est pas de ce genre de royaume-là que vous rêviez peut-être. Mais dans le royaume que moi je vais établir, il faut que le Messie meure. Il faut que je sois mis en croix. Il faut, et je vais ressusciter. Il leur a dit à plusieurs reprises, mais ça, ils ne comprennent pas. Ils vont le voir plus tard. Nous autres aussi, on va le voir plus tard, dans l'Évangile de Marc. Mais il dit, pour que la nouvelle alliance prenne place, il faut que je répande mon sang. Il faut que je meure. Et ça va rendre possible la mise en place du royaume de Dieu. Parce qu'il va s'établir le royaume de Dieu. Mais pas de la manière que vous pensiez. Et pas le camp que vous pensez non plus. Il leur a dit, avant que le royaume de Dieu prenne place d'une façon finale et totale, on a vu au chapitre 13 les signes qui devaient arriver. Ce qui devait se produire avant. Donc, tant que Jésus, finalement, ne reviendra pas sur les nuées et qu'il ne va pas rassembler son Église, le royaume de Dieu ne prendra pas place. Mais pour qu'il prenne place, il faut que le Messie soit livré à la mort et qu'il faut que son sang coule pour que la nouvelle alliance prenne place. Donc, les gens vont faire mourir Jésus pour des raisons très lugubres, très mauvaise, très méchante. Mais la raison que Jésus lui accepte la mort est bien différente. Pierre va dire dans Acte 3, « Je sais que vous avez agi par ignorance, mais repentez-vous. Mais en agissant ainsi, vous avez accompli le plan de Dieu. Vous avez accompli ce qui avait été écrit, ce qui avait été prophétisé, que le Messie ferait. Vous savez, il avait mal compris. Il n'avait pas saisi les Écritures de l'Ancien Testament comme il faut. Et ça les a empêchés de comprendre Jésus. Qui il serait? Qu'est-ce qu'il ferait? Comment il mettrait en place le royaume de Dieu? Il aurait dû savoir, parce que c'était écrit. Il aurait dû savoir qu'il était pour mourir. Il aurait dû savoir cela. Il aurait dû savoir un paquet de choses par rapport à Jésus. Mais ils ne l'ont pas saisi. Donc, quand Jésus les a accomplis, ils n'ont pas compris non plus. Ils n'ont pas. On va voir demain que ça va les. Demain ou après-demain, je ne me souviens pas. Ça va les scandaliser. Tout le monde. Même les disciples les plus proches vont être scandalisés. Parce qu'ils n'ont pas compris jusqu'à date qu'est-ce qui est en train de s'établir. Jésus a prophétisé que cet esprit les aiderait un peu plus loin. Et ils vont finalement accepter, ils vont finalement comprendre, ils vont finalement prêcher le royaume de Dieu tel que Jésus le voulait. Donc, les hommes ont des idées bien noires, Jésus a une idée bien claire, que s'il accepte de mourir de la part de ces hommes-là, de la part de la main des Romains, c'est parce que lui veut que la nouvelle alliance prenne place, et que le royaume de Dieu s'installe et que son Père soit glorifié et servi par un peuple nouveau. Notre bon Père du ciel, merci. Merci de cette nouvelle alliance qui a été faite, scellée par le sang de Jésus. Et chaque fois que nous, tes enfants maintenant, nous prenons ce repas pascal, si je peux dire ainsi, ce repas du Seigneur, on se souvient que son corps a été brisé, que son sang a coulé, afin qu'une alliance nouvelle se fasse et que le royaume de Dieu prenne place un jour. Merci, mon Dieu. Tout l'honneur et toute la louange te revient. Amen.